Solid sur RGM. Il est presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 12 octobre 1945. Naissance d'Aurore Clément, actrice française vue dans Apocalypse Now hein, de Francis Ford Coppola dans le rôle de Roxane Sarrow. Jet Set, Tanguy. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Marie-Antoinette de Sofia Coppola dans le rôle de la Duchesse de Chartres. Et dans les sagas de l'été, Zodiac et le Maître du Zodiac dans le rôle de Grâce de Lettres. 1955, naissance de Brigitte Lahaie, qui fut actrice et maintenant animatrice radio française. 1957, naissance de Clémentine Célarier, actrice française, vue dans Le téléphone sonne toujours deux fois. 37-2, Le matin, dans le rôle d'Annie. Nocturne indien, dans le rôle de Christine. Génial, mes parents divorcent. Les braqueuses, dans le rôle de Bijou. Les misérables, dans le rôle de Catherine, alias Fantine, film de Claude Lelouch. Vue également dans Le siffleur, à la télé, dans Les bleus, premier pas dans la police, dans le rôle du commissaire Nicole Mercier, Le gendre idéal 2, RIS Police Scientifique, Scène de ménage et Leibovitz contre Leibovitz dans le rôle de Paul Leibovitz. 1962, naissance de Patrick Bosso, humoriste, acteur français, vu dans Bienvenue chez les Ch'tis, hein, c'est le motard de la gendarmerie, Un homme et son chien, La fille du puisatier, Marseille de Cadmerade, Retour chez ma mère et dans la saga de l'été, Zodiac et le maître du Zodiac dans le rôle de l'inspecteur Spagnolo. 1967, naissance de Tonton David, chanteur français. 1968, naissance de Hugh Jackman, acteur australien connu pour son rôle de Logan alias Wolverine dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final, X-Men origine, Wolverine, X-Men le commencement, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse ou encore Logan. Oui, il y a beaucoup de films avec Wolverine. Vu également dans Opération Espadon, Australia dans le rôle de Drover, Les Misérables dans le rôle de Jean Valjean, récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur. 1977, naissance de Young Jeezy, chanteur américain, qui a fait pas mal de duos et notamment avec Usher sur le titre Love in This Club, dont on écoute tout de suite un extrait. I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you riding. Now keep doing it right. We just get started. Yeah, man. You see, you're searching for somebody that'll take you out and do you right. Well, come here, baby, and let daddy show you what it feels like. Tell me what you're sipping on. And I promise that I'm gonna keep it coming all night long. Voilà, pour Young Jeezy et Usher. On continue, on reste en 1977 avec la naissance de Bode Miller, ancien skieur américain, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or, 3 d'argent, 2 de bronze, et aux Championnats du Monde, 4 d'or et 1 d'argent. 1986, naissance de Tyler Blackburn, acteur américain connu pour son rôle de Caleb Rivers dans la série Pretty Little Liars. 1987, naissance d'Arnaud Bingo, handballeur français qui de 2005 à 2009 a joué à Villeurbanne. De 2009 à 2016 à Tremblay en France. Depuis 2016, il joue à Montpellier. Et à noter qu'avec l'équipe de France, il a été champion du monde en 2011. 1988, naissance de Valérie Grandmaison, nageuse canadienne, triple championne paralympique, détentrice de 12 records du monde en natation handisport. 1992, naissance de Josh Hutcherson, acteur américain, vu dans Voyage au centre de la Terre 3D et Voyage au centre de la Terre 2, L'île mystérieuse, dans le rôle de Sean Anderson. Mais on le connaît connaît surtout pour son rôle de Peeta Mellark dans Hunger Games. Hunger Games, je vais y arriver, l'embrasement, et Hunger Games, la révolte partie 1 et partie 2. En 1924, décédé Anatole France, romancier français, prix Nobel de littérature en 1921. 1971, décédé Jane Vincent, chanteur américain de rock'n'roll et de rockabilly. En 1996, décédé René Lacoste, joueur de tennis français, industriel, ingénieur et designer, fondateur de la célèbre marque au crocodile qui porte son nom, membre des 4 mousquetaires avec Henri Cochet, Jean Borotra et Jacques Brugnon. Il a remporté 7 tournois majeurs en simple, 3 fois le tournoi de Roland-Garros, 2 fois celui de Wimbledon, ainsi que 2 fois l'US Open, et a fait partie de l'équipe de Coupe Davis victorieuse en 1927 et 1928. Et à noter qu'en double, il est médaillé de bronze olympique. Et en 2006, décédé Doug Saga, chanteur ivoirien, pionnier du coupé décalé. On écoutera d'ailleurs du coupé décalé en fin d'émission, mais là ça va être plutôt rockabilly avec Jane Vincent et le titre qui l'a fait connaître, qui l'a rendu célèbre, Bip Bop Peloul. Bibabaloo, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibabaloo, she's my baby. Bibabaloo, I don't mean my baby. Bibabaloo, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bibabaloo, she's my baby. Bibabaloo, I don't mind my baby. Bibabaloo, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bibabaloo, Jean Vincent sur le 107 FM. Il est presque 8h44, mais vraiment presque, parce que ça y est, il est 8h44. On fait un point météo. La météo. Eh bien aujourd'hui, ce sera encore une belle journée ensoleillée, digne d'un mois de juillet, hein, pourquoi pas, parce que c'est vrai que nous sommes mi-octobre, mais ce matin, on a des températures comprises entre 14 et 15 degrés, et cet après-midi, elles seront comprises entre 24 et 25 degrés. Ça ne va pas s'arrêter là, puisque samedi, ce sera encore une très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour samedi après-midi, et dimanche, ce sera encore une journée ensoleillée avec cette fois-ci quelques nuages, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 22 et 23 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et le tournoi de Tianjin. Hier, Caroline Garcia s'est imposée en 2-7 face à Zhang, 6-3, 6-4. La Française affrontera aujourd'hui Martic. Et à Linz, hier, Mladenovic s'est qualifiée en 3-7 face à Babos, 6-4, 4-6, 7-5. Elle affrontera aujourd'hui Petkovic. On va parler football maintenant avec le match amical entre la France et l'Islande. Bon, c'était pas le match du siècle, hein, on va pas se mentir. L'Islande a mené 2-0 jusqu'à la 86e minute et grâce à Mbappé qui a provoqué le but contre son camp, la France était plus menée que 2-1 avant de se voir offrir un pénalty transformé par Kylian Mbappé. Match nul donc de partout. La France est passée à pas grand chose hein, d'une défaite depuis qu'ils ont leurs deux étoiles sur le maillot. Il faudra vite se reprendre hein, d'ici mardi où là ça va être un tout autre adversaire avec l'Allemagne en Ligue des Nations et ce sera donc mardi soir au Stade de France. On va parler Coupe de France avec le 5e tour ce week-end. Samedi, Épinal se déplace à Thionville. Dimanche, Golbey recevra Bischheim. Raon-l'Étape se déplacera à Omécourt. Taon-les-Vosges se déplacera à Creutzwald. Vanier recevra Blatzheim. Et Saint-Dié se déplacera à Agir-Florival. Un mot de basket maintenant. National 1 ce soir, le Jet Vosges reçoit Saint-Quentin. Samedi en National 3, Mirecourt recevra le club de Wedbruck. Et en Pro B, Nancy recevra Quimper. Et on termine avec du hockey sur glace en D3. Samedi à 18h à la patinoire de Poisson-Près, le HC reçoit l'équipe de Fontenay. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale qui va être donc coupée, décalée avec Doug Saga et le titre Sagacité. Stéphane Doucouré, Doug Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brûladas. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. David Guerre, Fatiga de Milano, Lilo Versace, chapeau lui, Dankoff, le champion. Hey, une danse qui a été créée là, égale coupé. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. Y'a une danse qui a été créée là, wow, wow, wow. Égale coupé. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité. On l'appelle Doug Sagao, c'est mon pépé, le créateur du décalé coupé. Égale coupé, Floco 1 appelle Floco 2, y'a foi. Égale coupé, décalément, décalément, décalément, Sagacité. Coupé, coupé, coupé, égale coupé. Travailler, travailler, travailler, Sagacité. La Gobaye, le Mola, Mibi Versace, Jo Papi, on est où là? La Sissi, la Jelsienne, Solo mama solo, solo, solo papa solo, solo, solo mama solo, solo, solo papa solo, solo, a crier, décalé, a décalé, décalé, Boro Sangui a montré, montré, sa Sagacité a crié, crié, des bamba a danser, et solo béton a pressé, a coupé, a coupé, a décalé, a décalé, tout dans la London, coupé, tout dans la Bruxelles, décalé, tout dans la New York, coupé, tout dans la Genève, décalé. Dans la Abidjan, coupé. Dans la Yapro, décalé. Dans la Boaké, coupé. Dans la Daloa, décalé. Coupé à coupé, décalé à décalé. Coupé à coupé, décalé à décalé. Coupé à coupé, décalé à décalé. Hé, hey, ma copine, on dit les jets qui sont en boîte, ils sont dans la boîte. Hé, hey, péché, ça peut me frôler, hein. Parce que y'a un jet set là, ils ont tous les foutés. La Sissi, salut. Don Mike Le Gourou, Hassan Depo, Bokolo Bongo, Fabrice Tiako, Thierry Kofi, Daouda Faya, Big Manager. saga, eh, eh, ah, yeah, indende, je m'en mets dans le cadre. On y va, décalément, décalément, s'envolement, décalément, coupé, s'envolement, fouetté, fouetté, sagacité, équilibré, petit vélo, pédalé, coupé, pédalé, en décalé, décalé, sagacité, décalé, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, fouetté, décalé, s'envoler, sagacité, s'envoler, équilibré, équilibré, décalibré, équilibré, décalé, donc off. Sagacité, décalé coupé, sagacité, souvent, décalé coupé, on est où là? Chacoulé, chacoulé, chacoulé, molaré, chacoulé, molaré, fessaké, fessaké, Alino Bamba, on est où là? Sagacité, fouetté, fouetté, fouetté, décalé coupé, fouetté, s'envoler, s'envoler. Pédaler, pédaler, pédaler, petit vélo, pédaler, pédaler, pédaler, mon papy. Sagacité, Doug Saga sur RGM, un peu plus de 8h52, c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point complet sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera l'émission avec le lycée agricole de Mirecourt. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h, Lou qui va nous parler de toutes les sorties du week-end hein, dans le billet de sortie. 21h, Mosaïque avec François. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.